L'émission est divisée en trois morceaux, comme toujours, pour des questions techniques. Et donc, la première partie de l'émission, comme la deuxième, sont sous licence Creative Commons by NCND 2.0, mais les musiques conservent leur licence d'origine. En fond sonore, vous avez donc le lancer de Croquette, qui est sous licence art libre, donc qui sert de générique à l'émission et qui est candidat à être remixé pour faire un nouveau générique de 2 minutes pour les volontaires lancés de Croquettes, donc par le direct générique du Direct Live from the Hellsass. Et donc, dans ce direct live from the Hellsass, une habitude que je prends, il y a certaines habitudes qui sont bonnes à prendre, si au moins ça voulait s'afficher, les concerts. Alors, aujourd'hui à 20h, ce soir, Zoran et Planet Z à Rostrenen, et puis qui remettra le couvert également le demain soir au même endroit. Donc prix d'entrée, c'est gratuit, hein. Et puis que l'on reverra à Brest le 13 septembre. Demain, donc le 27 juillet à 20h, entrée gratuite pour Zimé, qui fait du rock et qui a des concerts qui, donc, qui utilise notamment la licence Creative Commons by 2.0, une des plus permissives. Et donc, il sera également le 4 août à Plouécast, le 14 août à Portsal, le 21 août nouveau à Plouescat et le 22 août à Plouzévd. Et donc, XP43 va se produire à Ramilly en Belgique le 1er août, ainsi que Gogol pour le festival La Petite Frie dans la Prairie, et c'est gratuit. Donc, Ramilly, Guest Guérompont, Petite Rosière, Sushi Sous Champ, qui va jouer à Baluenmas d'Asile d'Ariège à Foix en France le 1er août à 20h, que l'on verra aussi à Talence le 17 octobre, à Lyon le 23 octobre et à Bègle le 14 novembre. Enfin, Badaboomland à Venas le 5 août, donc rentrée gratuite à 19h à Venas à la terrasse, et que l'on reverra le 24 octobre à Cercier. Tsunami Ouazahari, un lac de la Vassivière à Beaumont-du-Lac en France, le 9 août à 22h. Donc prix d'entrée 8 euros. Si vous êtes déguisé, seulement 5. Ce sera pour la Silex Party. Et le Pure Malt Group des Highlands de l'Argence, au centre commercial Soleil Intendance, en face d'un magasin de sport, à Fréjus en France. Le 12 août à 20h, et c'est un prix d'entrée est gratuit. Donc, autre concert à Fréjus également le 16 septembre et le 21 octobre. Donc, voilà pour la série de concerts. Et donc, retour nouveau à la musique. De nouveau, sous quelle licence d'ailleurs? Hop, il est où? Sous licence Creative Commons by NCND 2.5, la vaste offensive horticole nous interprète Sur la Lune. Ça fait partie de l'album Végétal Riposte. Qui donc ça oui ben 12 juin 2008, oui, ça fait donc un morceau qui nous a été proposé il y a environ un peu plus d'un an. Je veux du beau, je veux du bon, je veux du bio. Écolo, oui, mais point qu'on en fait. Le téléthon bat des records d'audience. C'est la fête à la bonne conscience. Mais je crois bien que je ne suis pas d'ici bas. Il faudra bien qu'un jour je rentre chez moi. Si on se croise, on se passe un coup de bigot. Viens chez moi si tu captes le. fait beaucoup de neurones en trop. Mais je crois bien que je ne suis pas d'ici bas. Il faudra bien qu'un jour je rentre chez moi. À l'instant, la vaste offensive horticole avec son sous la lune, sur la lune, qu'on aurait presque pu passer la semaine dernière à l'occasion du l'anniversaire là de cette espèce de tourisme spatial, la film dont on nous a montré le film Super 8. Enfin bon, je ne vais pas répéter l'histoire. Vous trouverez ça de toute façon sur l'émission de la semaine dernière et puis également sur mon site web. Alors, aller sur la Lune, il n'y a rien là-bas, il y a de la poussière, il y a des cailloux. Le destin d'une mission, d'aller chercher des cailloux, on peut dire que c'est un destin zéro. Destin zéro qui est le titre d'une chanson de Ouroboros sous licence Creative Commons by NCND. Donc on peut diffuser sans modification, en citant l'auteur et puis sans en tirer de profit commercial. Il s'agit également donc le groupe se trouve également chez Revolution Sound Records. Vous trouverez, donc c'est un net label, hein, revolutionsoundrecords.org, dont je vous laisserai également les liens sur donc la page d'information. Et donc ce Destin Zéro il date d'il y a tout juste 2 ans, le 26 juillet 2005, même 3 ans si je revérifie, 26 inscrits sur, 4 ans, mais qu'est-ce que je fabrique moi, je sais plus calculer, bref en calcul, en arithmétique je deviens vraiment un zéro justement. Yeah.

S-C-H-A-U-D. Voilà, donc c'est du 17 au 24 octobre. Donc vous pourrez vous initier soit à la MAO, soit à la vidéo sous Linux. Voilà, la communication qui est faite avec des comme partenaires d'ailleurs l'April, Boxon, Ça fait zizir, la compagnie Cessez le feu, Crous, les festivals diffus, Dogmazic, Elodie Fargeau, le PN du Lionel, Esprit Peace, etc. etc. Mais en revanche, il n'y a pas Javanzouille. Javanzouille, donc, qui font parler d'eux en ce moment parce que c'est de moins en moins libre, en fait, en tout cas au niveau du comportement. Alors maintenant on va écouter non pas un morceau mais deux morceaux, mais c'est deux fois le même. Dans deux versions différentes, c'est le Cirque des Enfers par le groupe Seb Cachotte. Alors la première version, c'est celle de l'album De la persistance de la mythologie chotienne en vélo, sous licence art libre, la deuxième aussi. Et l'autre... L'autre version, c'est toujours le Cirque des Enfers, mais c'est un vidéoclip en fait, dont il y a juste ici, on n'aura que le son, mais ça se passe en fait, ça a été mis en vidéo justement, on vient d'en parler, donc avec de la pâte à modeler. Donc, vidéoclip qui est disponible toujours, hein. Vous pouvez enregistrer le vidéoclip de là-bas ou bien alors le rapatrier avec à dos de mulet, avec les liens que je vais vous citer. Donc, Seb Cachotte avec deux versions du Cirque des Enfers. Voilà, on va mettre les deux ensemble et c'est parti pour combien ? Il y en a pour 13 minutes 50 pour les deux versions, mais qui sont des versions différentes. Accusé, préjugé, fainéant, dérobé pour toujours plus. qu'on avait une grande joie d'accord. Sache que le plaisir que tu nous fais est à ton. Ainsi à tu trouveras ici des dix volontés. Yeah.